Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gourmet du Pré 1862. De l'incarnation du Christ, suite. Effet ou conséquence de l'union hypostatique. Explication. Nous avons actuellement à étudier les conséquences de l'union hypostatique du Verbe avec la nature humaine. Premièrement, pour ce qui convient au Christ considéré en lui-même. Secondement, pour ce qui lui convient par rapport à son Père. Troisièmement, pour ce qui lui convient par rapport à nous. Les conséquences de l'union hypostatique, pour le Christ lui-même, concernent son être et son unité. Les rapports du Christ avec son Père consistent dans sa soumission, ses prières, son sacerdoce, son adoption, et sa prédestination. Pour ce qui appartient au Christ par rapport à nous, nous nous occuperons de l'adoration qu'il mérite, et de sa qualité de médiateur. Question 16. Des effets ou conséquences de l'union hypostatique quant à l'être même du Christ. On pose les règles de la communication des idiomes par l'examen de plusieurs propositions dont on montre la vérité ou la fausseté. 1. Cette proposition, Dieu est homme, est-elle vraie? Saint Paul écrit, celui qui était dans la forme de Dieu s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, se rendant semblable à l'homme et étant reconnu comme homme dans tout ce qui apparut de lui au dehors. Philippiens 2, 6. Il suit de ces paroles que celui qui est dans la forme de Dieu est homme, or celui qui est dans la forme de Dieu est Dieu, donc Dieu est homme. La personne du Fils de Dieu, qui est, dans l'incarnation, le suppôt de la nature humaine, peut en toute vérité être appelé Dieu. Le mot homme peut exprimer aussi la nature humaine individualisée dans un sujet, comme quand nous disons, Socrate est un homme. Par conséquent, la proposition, Dieu est homme, admise par tous les chrétiens, est vraie dans son sens propre. 2. Cette proposition, l'homme est Dieu, est-elle vraie? Le mot homme peut désigner une hypostase quelconque de la nature humaine et s'appliquer, dès lors, à la personne du Fils de Dieu, considéré comme suppôt de la nature humaine. Le mot Dieu, d'un autre côté, se dit véritablement de la personne du Fils, ainsi que nous l'avons vu. Nous pouvons, en conséquence, admettre cette proposition, l'homme est Dieu, aussi bien que cet autre, Dieu est homme. Note. On dit également, le Dieu homme est l'homme Dieu. Fin de la note. 3. Peut-on appeler le Christ l'homme du Seigneur? Saint Augustin répond, je ne vois pas que l'on puisse appeler Jésus-Christ l'homme du Seigneur, quand il est lui-même le Seigneur. Quand nous disons que Jésus-Christ est homme, nous désignons le suppôt éternel, la personne même du Fils de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul suppôt pour les deux natures. Or la personne du Fils de Dieu est essentiellement Dieu et Seigneur, l'appeler l'homme du Seigneur, ce serait porter atteinte à l'unité de suppôt pour les deux natures, et tomber dans l'hérésie nestorienne. 4. Ce qui convient au Fils de l'homme peut-il être affirmé du Fils de Dieu, et réciproquement? Dieu, dit saint Jean Damascène, ayant pris en lui les attributions ou propriétés de la chair, nous pouvons nous servir de ces expressions, Dieu a souffert, le Seigneur de la gloire a été crucifié. En effet, le suppôt des deux natures étant le même, ce qui est affirmé de l'une et de l'autre tombe toujours sur la même hypostase, qui est à la fois celle de la nature divine et celle de la nature humaine. Dès lors, ce qui appartient à la nature divine peut s'appliquer à l'homme, et, Réciproquement, ce qui appartient à la nature humaine peut s'appliquer à Dieu, la même hypostase servant aux deux natures. Il faut néanmoins savoir distinguer, en lisant les Écritures, ce qui doit être entendu de la nature divine, par laquelle le Christ est égal à son Père, et ce qui doit l'être de la nature humaine, par laquelle il est inférieur à son Père. C'est au lecteur sage, attentif et pieux de discerner sous quel rapport une chose est dite. Note. Si les choses qui impliquent une défaillance étaient attribuées à Dieu sous le rapport de la nature divine, ce serait un blasphème, mais ce n'en est pas un que de lui attribuer ces choses sous le rapport de la nature humaine qu'il a prise. Nous lisons dans un sermon prononcé au Concile d'Éphèse, Dieu ne regarde pas comme une dérogation à sa grandeur ce qui est une cause de salut pour l'humanité. L'état d'abjection qu'il a choisi pour nous ne fait aucune injure à la nature divine, qui est au-dessus de toute atteinte. Lorsque le Verbe s'approprie notre nature pour la sauver, ce qui est vil et abject concourt à notre salut, sans rien ôter à la dignité de la nature divine. Ne dites pas que ce qui nous sauve est un sujet de honte pour Dieu. Fin de la note. 5. Ce qui convient au Fils de l'homme peut-il être énoncé de la nature divine, et ce qui convient au Fils de Dieu peut-il l'être de la nature humaine? La nature divine et la nature humaine n'étant pas, dans l'incarnation, une même nature, les propriétés de l'une ne peuvent pas être affirmées de l'autre dans un sens abstrait. Nous ne dirons pas, par exemple, que la divinité ou la nature divine a souffert, mais nous dirons très bien que le Fils de Dieu a souffert, car les noms concrets, tels que Christ, Dieu, Fils de Dieu, Jésus, impliquent l'hypostase des natures, et, par suite, les propriétés de ces deux natures peuvent être exprimées par un nom concret propre à désigner, soit les deux natures, comme le mot Christ, soit la nature divine, comme les mots Dieu, Fils de Dieu, soit même la nature humaine seule, comme le mot homme ou Jésus. Il importe peu, dit Saint Léon, par quelle substance le Christ est nommé. À raison de sa personne une et indestructible, il est toujours fils de l'homme par la chair, et fils de Dieu par la divinité. 6. Cette proposition est-elle vraie? Dieu s'est fait homme. Saint Athanase, dans sa lettre à Épictète, évêque de Corinthe, observe que, quand l'Évangile dit, le Verbe s'est fait chair, c'est comme s'il disait, Dieu s'est fait homme. Attribuer à un être une qualification nouvelle, c'est dire qu'il est devenu ou qu'il a été fait quelque chose. Or la qualification d'homme n'a pas été donnée à Dieu de toute éternité, il l'a reçue dans le temps, après avoir pris la nature humaine. Donc cette proposition est vraie, Dieu est devenu ou s'est fait homme. Note. Nous entendons par là, non pas que Dieu se soit créé homme, ni qu'il ait subi aucun changement, mais que la nature humaine a commencé d'exister en lui. Le changement ne s'est opéré que du côté de cette nature, unie à la personne divine. De même qu'un homme se trouve à la droite d'un autre homme sans avoir changé, par le mouvement seul de cet autre qui sera passé à sa gauche. Ainsi Dieu a été appelé homme à raison de la relation provenante de l'union par laquelle la nature humaine seule a subi un changement. Fin de la note. 7. Cette proposition est-elle vraie? L'homme a été fait Dieu? Cette proposition est évidemment fausse. Dans le sens naturel, le mot homme désigne un suppôt personnel. Or c'est seulement à raison du suppôt divin, qui est éternel, que l'on peut légitimement s'exprimer ainsi, l'homme est Dieu. Dire que l'homme a commencé à être Dieu, est devenu Dieu ou a été fait Dieu, ce serait une locution nestorienne. Note. On ne saurait admettre qu'un homme déjà existant et appartenant à la race de David a été fait fils de Dieu, mais on dira très bien que le fils de Dieu s'est fait homme et qu'il a pris une chair dans la race de David, ou, comme parle saint Paul, qu'il a été fait de la race de David selon la chair. Romains 1:3. Fin de la note. 8. Cette proposition est-elle vraie? Le Christ est une créature? Dans la crainte de paraître favoriser l'hérésie des Ariens, qui ont enseigné que le Christ était une pure créature, nous ne devons pas nous servir de cette proposition sans y joindre quelques restrictions qui fassent comprendre que le mot créature se rapporte uniquement à la nature humaine. 9. Peut-on dire en parlant du Christ, cet homme a commencé d'être? Si on dit, en désignant le Christ, cet homme, c'est le suppôt éternel qu'on désigne, et ce suppôt n'a pas commencé d'être. La proposition dont il s'agit est donc fausse en elle-même, fût-elle vraie, on ne devrait pas l'employer sans explication, à cause de l'hérésie d'Arius, qui enseignait que la personne du Fils de Dieu est une créature qui a commencé d'être. Note. De ce que le Christ a commencé d'être homme, on ne saurait en conclure qu'il a commencé d'être. Jésus-Christ était hier, il est aujourd'hui, il sera dans tous les siècles. Hébreux 13, 8. Fin de la note. 10. Peut-on s'exprimer ainsi, Jésus-Christ en tant qu'homme est une créature? Cette autre proposition, Jésus-Christ en tant qu'homme est une créature, doit être admise à raison du mot homme qui, placé en réduplication, appelle l'attention sur la nature humaine plutôt que sur le suppôt éternel. 11. Peut-on dire que le Christ en tant qu'homme est Dieu? Le mot homme, placé en réduplication, désigne la nature humaine plutôt que le suppôt, une telle proposition doit être repoussée. 12. Cette locution est-elle vraie? Le Christ en tant qu'homme est une hypostase ou une personne? Le Christ en tant qu'homme n'est certainement pas une personne éternelle. S'il était une personne en tant qu'homme, il s'ensuivrait qu'il y en aurait deux en lui, l'une temporelle et l'autre éternelle, ce qui est erroné. Ainsi cette locution, le Christ en tant qu'homme est une personne, est une proposition fausse. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.